Serons-nous à la hauteur? Serons-nous à la hauteur? Thank you. moi, je me fous des lois. Même les rois ne peuvent donner loi. Même les rois ne peuvent donner loi. Même les rois ne peuvent donner loi. Consentement. Consoler ma vieillesse. Thank you. maintenant les deux mêmes, venant pas du même système, s'assurant flingue à la ceinture, un petit lieutenant, rive gauche. Dans la mafia à 13 ans, intronisé le deuxième petit lieutenant, rive droite, le même petit lieutenant, sa surflingue à la ceinture. Thank you. Protégé par le hamac. Cocon. mort. Les idylles. L'ancienne comédie poursuit ses accords. C'est un soir historique. La même magie bourgeoise à tous les points de vue. La malle nous déposera. Mouvement. La profondeur. Social. Expertise. Sur tes capacités. Fais gaffe. Range ton cran d'arrêt. Mouvement adéquat. Tu te fais flinguer. Tu te croyais tranquille, branché. Tu te croyais tranquille, posé. Pas tranquille, pas posé. Mais demain, demain, tomorrow. demain sera la terre promise. Car demain sera le paradis. I don't want to be your Car depuis l'Antiquité, nos ancêtres dansent debout. Devant l'adversité, l'inconnu, devant l'inconnu, explorant, développant des sports. Bye. Done your dance.